J'ai attendu la fin de l'orage pour enfin oser l'étreinte d'un déserteur se voilant d'un mirage à l'embrasement d'une âme éteinte. J'ai attendu la fin des pluies qui ruisselaient sur nos joues pour reconstruire, redérouiller tout ce qu'il reste de nous. Sache que l'éclaircie vient après la pluie. Mais sache que l'éclaircie vient après la pluie. J'ai attendu la fin de l'hiver pour enfin renaître de mes cendres, passant du corbeau phénix d'hier. Car mon âme n'est plus à vendre par peur d'une apocalypse qui volerait l'ellipse d'un espoir pour nos amours devenus éclipses, abreuvant chacun de nos déboires. Sache que l'éclaircie vient après la pluie. Mais sache que l'éclaircie vient après la pluie. Je n'ai attendu que trop longtemps sous les pluies incessantes de mes mots. J'espère hier dans le renouveau, sachant qu'éphémère n'est pas chaos.